peux aller où tu veux. Également, comme ça arrivait au frère il n'y a pas longtemps, qui a eu une bagarre en bas de chez lui. On va aller pour ça. Il y a une bagarre en bas de chez lui. Et il a dit justement, ben, personne ne lui a rien fait. Et la police sont arrivés pour pouvoir remettre de l'ordre. Ils sont mis à gazer tout le monde. Lui, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu directement comment il était habillé, c'est que toi, t'es pas avec eux. T'es pas concerné par cette histoire-là. T'en as rien à voir. Moi, ça m'a aussi arrivé une fois à l'époque. J'étais parti rendre visite à un frère, en bas d'une cité. J'étais encore fraîchement converti. J'étais parti là-bas, j'étais habillé en sunna, tout ça. La police sont arrivés, donc on a contrôlé tout le monde, il y a des petits jeunes. Ils sont arrivés devant moi, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai dit, j'attends un ami à moi. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est bon. Ils m'ont laissé. Ils m'ont rien demandé. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment j'étais habillé. Ils ont dit, ça n'a rien à voir avec ça. Donc ça préserve énormément. Alors là, dans pas la situation. Non. Et aussi, ça appelle à ce que les gens qui ont un khay dans le cœur, et ça, j'en témoigne, je l'ai vu, dans la rue, t'interpellent. Des gens que tu ne connais pas. L'autre jour, je rentrais de chez toi, un soir tard. Je suis dans la rue, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il me dit, excuse-moi. Il me dit, salam alaykoum. Alaykoum salam. Il me dit, je te demande une chose, s'il te plaît. Je dis, quoi? Il me dit, fais de rap pour moi. Il me dit, astaghfirullah, j'ai bu, je suis ivre, tout ça. Il me dit, mais voilà, il dit, j'aime son messager, tu vois. Fais de rap pour moi. Je crois qu'il allait pleurer. Tu vois. Il me connaît pas. Pourquoi il est venu me voir? Parce qu'il a vu la sunna devant lui direct. Il a dit, lui, je peux lui parler. Ça lui a ouvert les, ça, on va dire, c'est comme une porte ouverte pour dire, tu veux parler de religion? Va voir telle personne. Une autre fois, pareil, je passais avec un frère, c'était, je sais plus vers où, vers quatre chemins. Et on passe devant des bars. Et là-bas, il y avait plein d'Algériens, assis en train de boire et tout, que nous ont vus. On passe salam de loin. Grand sourire, Allah ma'akoum. Tu vois? Dans le sens respect. En fait, quand ils te voient comme ça, ces gens-là qui ont un khay dans le cœur, tu t'as un rappel pour eux. Tu vois, ils disent, Alhamdoulilah, on voit, c'est ça, on voit devant nous maintenant, là, clairement. Et tu sais pas, il se peut qu'après ça, il t'a passé le salam, tu lui as rendu le salam avec un sourire, même si dans le péché, c'est lui qui a passé le salam, c'est-à-dire, tu sais, c'est lui qui veut, à la base, c'est lui qui est venu vers toi. Tu vois. Et tu sais pas, il se peut que, rien que par ça, tu sois une cause que le soir, il fasse tawba. Il dit, je vais me mettre droit, je vais me mettre bien et tout. J'ai vu aujourd'hui une bande de petits jeunes, s'ils arrivent, pourquoi je pourrais pas arriver moi aussi? C'est une darwa que tu fais. Tu portes une darwa juste en portant la sunna. Pour compléter ce qu'on disait la dernière fois. Pour dire que c'est très important. Ça apporte beaucoup de khayr. Sans même te rendre compte. C'est une darwa. Et comme on l'a dit, le musulman, où qu'il soit, eh ben, il a la responsabilité de darwa. Pour les gens autour de lui. De montrer que il est sur la vérité. Et qu'il y appelle les gens. Que ce soit par ses paroles directement, ou par ses actes en faisant du bien. Non. Bon, c'était une parenthèse pour compléter le kalima de la dernière fois. Sur ce sujet-là.